n'importe quoi. T'inviter au cinéma, venir le soir te chercher, dans l'espoir de te charmer, te dévoiler tout sur moi, t'écouter parler de toi, me plonger dans ton regard, faire sauter tous les remparts, dîner tard au restaurant, savourer chaque moment, te faire du pied sous la table, te raconter des salades, te séduire, je suis prêt à tout pour te séduire, j'irai jusqu'au bout. Te séduire, risquer ce que j'ai pour te séduire, je peux tout miser. T'emmener dans un musée, faire le con pour t'amuser, te faire la cour tous les jours, sans jamais te faire l'amour, te raccompagner chez toi, ne pas faire le premier pas, rester au seuil de la porte, rendre cette histoire plus forte, te frôler parfois la main, ne pas penser à demain, vivre le moment présent, savoir prendre tout son temps, te séduire, je suis prêt à tout. Te séduire, j'irai jusqu'au bout. Te séduire, risquer ce que j'ai pour te séduire, je peux tout miser. Te séduire, je suis prêt à tout pour te séduire, j'irai jusqu'au bout. Te séduire, risquer ce que j'ai pour te séduire, je peux tout miser. Te séduire, je suis prêt à tout pour te séduire. J'irai jusqu'au bout. Te séduire, risquer ce que j'ai.